même thème de voix en chantant, le même style de musique jusqu'à quand? Pourquoi nous devions être confrontés à subir l'apparence de soi? Qu'adviendrait-il de se voir grandir avec le même caractère et l'envie de faire la loi? Soutiendrait-il le même parti politique? Dans le sport, supporterait-il la même équipe? Mon frère, ma sœur et moi, ces mondes de nos différences en quoi? Chacun ne se ressemble pas, même si une partie de moi est en toi. Les goûts et les couleurs changent au fond de ton cœur. Même si une partie de moi est en toi.